L'actualité à Nancy et ailleurs. Samedi 14 octobre, vous êtes tous invités à participer à une randonnée entre ville et forêt, un rendez-vous organisé par l'Association pour la sauvegarde et la promotion de la forêt de haies. Jean-François Petit, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Vous êtes donc président de cette association, Association pour la sauvegarde et la promotion de la forêt de haies. On va commencer déjà par présenter cette association avant de venir sur le contenu de ce qui se passera le samedi 14 octobre. Cette association est récente ? Non, absolument pas. Elle date de 1972. À cette époque, un certain nombre de personnes se rendent compte que la forêt de haies se réduit et risque d'être attaquée de tous côtés, et donc créent cette association-là, qui depuis vit quinca son petit bonhomme de chemin. Cette protection, elle concerne quoi précisément ? Eh bien écoutez, depuis 1945, la forêt de haies a perdu 1000 hectares de forêt pure, telle que l'homme moderne, je dirais, la conçoit. À savoir le parc de haies, la zone commerciale, le parc de haies, la zone de loisirs, qui sont d'anciens camps américains, faut le rappeler. Ensuite, on a eu l'autoroute, la 33 actuelle, la 31 actuelle, qui a rogné de la forêt. L'emplacement d'Auchan a aussi rogné un peu de forêt. Et puis, la dernière chose qui a fait réagir l'association, c'est à la suite de la tempête de 1999, un certain nombre d'arbres se sont abattus sur les propriétés des riverains de Clairlieu, qui étaient, eux, très mécontents, mais l'association, elle, n'était pas contente du tout parce que la forêt a encore perdu 15 mètres que l'État a rétrocédé à ses riverains. Donc à partir de ce moment-là, l'association a enclenché le processus de mise en forêt de protection qui aujourd'hui est sur le bureau du ministre et qui attend depuis environ 2 ans que cette forêt soit classée en forêt de protection qui, je vous le donne l'information, c'est un des niveaux de protection de la forêt le plus élevé qu'on puisse faire en France. D'accord, donc il y a une pétition qui avait été lancée à l'époque aussi. Hein. Voilà, oui. Vous faites bien de le rappeler, qui avait recueilli beaucoup de signatures parce que les Nancéens et la Grande Couronne sont très attachés à leur forêt de haies. Voilà. Cette randonnée entre ville et forêt aura lieu le samedi 14 octobre avec donc un départ au cœur de l'Axou village, précisément à 9h30 en bas du cimetière de l'Axou village, avec une randonnée de 2 heures environ. Et le petit plus, c'est la présence de Pierre Wagner, qui est donc professeur de biologie forestière. Que va-t-il pouvoir apporter lors de cette randonnée ? Effectivement, cette randonnée est ouverte au plus grand nombre, les passionnés comme les moins passionnés, les gens que la forêt intéresse. Donc Pierre Wagner va nous montrer les interactions entre des milieux fermés tels que la forêt et les milieux ouverts comme les jardins. Mmh. Au niveau des plantes, au niveau des animaux, des champignons, tout ça qui fait finalement la vie de la forêt et puis de la lisière, quoi, finalement. Hein. Et il nous expliquera tout ça en détail. Et c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Hein. C'est ouvert à tout le monde. Un pot d'amitié sera offert à un bio, bien sûr, à la fin de la randonnée, dans toute convivialité, pour apprendre à se connaître et puis échanger éventuellement des adresses mail et puis faire quelques adhésions, car notre association a besoin, pour exister, d'adhérents, pour exister ne serait-ce que sa propre existence, mais aussi par rapport au monde politique, je dirais, il faut peser, il faut annoncer un nombre d'adhérents important, et c'est pas forcément le cas tous les ans. Voilà. Donc on a besoin de monde, donc cette dynamique-là s'inscrit aussi dans ce contexte. Rendez-vous entre ville et forêt pour cette randonnée au départ donc de l'Axou village. Le parking en bas du cimetière, c'est à 9h30 précise, pour rencontrer donc les bénévoles de l'association pour la sauvegarde et la promotion de la forêt de haies. Jean-François Petit, merci. Et c'est moi qui vous remercie de votre écoute et de cet entretien. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.